Nous sommes en 2017! C'est ça? Oui, 2017. Alors oui, oh yeah! Bienvenue dans l'antre du n'importe quoi, où on y trouve de tout, surtout une forme d'intelligence rare, ce schizopode numéro 6. Alors au micro, les frères J et Monseigneur Latrémouille, aujourd'hui en direct de la chambre du très célèbre Charles Manson. Oui, en effet, le nabo de 82 ans a été hospitalisé pour, peut-être, on sait pas trop, des problèmes gastro-intestinaux. C'est vraiment pas clair. La question qu'on se pose, est-ce que le petit con va avoir la chance de déposer une 13e demande de libération conditionnelle en 2027? Fait qu'on va observer aujourd'hui si il va mourir dans son sommeil ou sur son lit d'hôpital. Moi, il m'a tout le temps fait peur. Quand j'étais jeune, il me faisait peur. Juste à le regarder sur des photos. Mais finalement, j'ai appris que c'est un petit cul. Il est vraiment petit. Il n'est pas grand, ce bonhomme-là. Ben, c'est ce que j'allais dire, justement. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais venir ici aujourd'hui et le rencontrer. J'ai déjà entendu une... Je pense que c'est une fille ou un monsieur, en tout cas, qui a été le rencontrer à la prison. Puis... Il a vraiment été surpris par la grandeur de l'homme. Il avait l'air d'avoir un petit lutin devant lui, un petit nabo. C'est pour ça que je l'appelle un petit nabo. Mais ce qui frappe, c'est vraiment son regard. Ouais. C'est son regard, ses yeux qui s'en vont te chercher le tréfond de ton âme. Là. Fait que ça, c'est... Ben, tu sais, en même temps, il a été chercher bien du monde, lui-là. Là, il y a eu la famille Manson. Fait qu'il a été capable de charmer. Ça, je voudrais savoir aussi. Tu sais, il est laid, il est petit. Il a de l'air quasiment risible, mais c'est... J'ai l'impression qu'on parle d'Hitler dans le sens que les deux avaient ses points en commun physiquement, ouais, mais les deux avaient un charisme de malade. L'un qui a réussi à soumettre à lui un petit groupe, l'autre une nation. Sauf qu'Hitler est un petit peu plus grand. Ah ouais, Hitler était pas si grand que ça, là. Il était pas petit comme... Il est vraiment petit. Quand on dit petit, c'est 5 pieds... Charles Manson, 5 pieds 1, 5 pieds, vraiment pas grand, là. OK, ouais, il est vraiment petit. Je vais faire une petite... juste dire que Charles Manson, c'est pas un tueur en série, parce que j'ai vu souvent dans les nouvelles qu'il traite de tueur en série. Charles Manson, je pense même pas qu'il a tué quelqu'un. Je pense que les mains complètement vierges de sang, c'est les autres qui ont tué à sa place. Donc, vous arrêtez de dire qu'il a tué quelqu'un, hein. Tu vas plus s'informer sur ce sujet. C'est certainement pas un tueur en série, ça, c'est clair. Mais en effet, je pense pas qu'il a tué personne. Donc, c'est drôle, hein? Mais entraîner des gens à tuer, ouais. Puis, ben, c'est ça, il a fait 12 demandes pour être libéré, ça n'a pas fonctionné, fait qu'il est encore considéré comme très, très dangereux, je crois. C'est sûr que s'il a regardé les juges avec son regard, ils ont dû dire « Oublie ça, tu restes là, toi. » Ouais. Son charme n'a pas fonctionné. Non. ben, bonne année! Merci. Hein, combien de cadavres qu'il va avoir cette année? Ben, là, il y a une tuerie à Fort Lauderdale, fait que ça commence bien, 5 morts déjà. Ah, j'étais pas au courant quand il y a peut-être une heure à peu près. Mais ben, c'est drôle, hein, parce que j'ai lu que c'était dans un aéroport. Oui. Un aéroport à Fort Lauderdale, comme tu dis, puis c'était genre des gens qui revenaient ou qui y allaient, je sais pas trop quoi, dans les Caraïbes. Puis c'est là, je m'en vais, moi, c'est là, je m'en vais au mois de mars. Je m'en vais, mais mon aéroport, moi, ça va être à Miami. Mais c'est à côté? De? C'est pas de Fort Lauderdale. Ah, OK. C'est pas. Puis je m'en vais dans les Caraïbes après. Ouais. Ben non, ça me fait pas peur pendant tout. Ouais. C'est une croisière, tu fais. Ouais. C'est ça. Il y a le psychologue aussi qui est mort là, d'une maladie rapide qui écrit père manquant, fils manqué. Là. Je me souviens plus de son nom. Qui est mort. Lui, il écrit ça, OK. Hier ou avant-hier, là, dans le milieu de la soixantaine. Bref, on en parle des médias. Fait qu'on a notre premier mort officiel public. Là. Québécois? Je crois que c'est un Québécois. Ah oui, c'est-tu le frère de l'artiste qui est morte? C'est pas chaud, hein? Non, c'est pas elle. Puis il y a aussi, le décès de bon, Wake Me Up Before You Go Gone. Take me down tonight. Il s'est peut-être mort d'un overdose, c'est-tu? Mais il est impliqué pour aider les enfants. Ouais. J'espère que c'était pas comme Michael Jackson. Je pense qu'il il avait de l'air à faire le party, le George Michael. Il savait comment vivre. Il n'y a pas eu sur TMZ son conjoint qui a dit il l'a finalement fait parce qu'il parlait souvent de suicide. C'est vrai? Tu n'as pas vu ça, c'est un non, ouais. Non. Puis il aurait tweeté ça ou mis ça sur Facebook, puis quelques heures après, il aurait enlevé ce petit commentaire-là. Okay. Alors, ils sont-tu laissés en bon terme ou quoi? Non, ils étaient encore ensemble. Ah, c'est assez rude comme. Tu joues Joël Legendre, son conjoint? Non, mais on dirait que j'y verrais bien ensemble. Ouais. Ils n'ont pas le même âge. Je pense que ça oui. Ça a l'air d'être deux cochons. Un sugar daddy. Hey, oui, c'est vrai, ils ont fait le même crime, genre... C'est vrai! j'ai même pas, je l'ai dit de même, George Michael aussi, à un moment donné, il était pogné nu à se crosser, ou je sais pas trop quoi. Quelque chose comme ça, moi. Ben oui. Il a pas pissé sur un flic aussi dans les toilettes? Ouais, je pense que oui. En tout cas, bref, il savait vivre. Bon, on va y aller tout de suite, d'abord, en parlant de cadavres. On va y aller tout de suite en saluant nos Maccabées. Déjà, c'est pas fait, tu fais ça? Pas long, hein. OK, au début, on commence. C'est bien. Le temps de saluer nos Maccabées. Oh, et pour ceux qui écoutent le Schizopod pour la première fois, bien, on salue deux personnes publiques décédées. Une des plus vieilles, puis une des plus jeunes. Alors, on va commencer avec le plus vieux, puis là, ça va doublement fesser. Oui, mesdames et messieurs, à 106 ans, est décédé le 29 décembre, Tyrus Wong, le créateur de Bambi. Non. Le créateur de Bambi est décédé. C'est un artiste peintre américain, mais d'origine chinoise. Incroyable. Puis, c'est une légende hein, à Disney. Puis, c'est ça, c'est lui qui fut à l'origine du célébrissime dessin animé Bambi. Mon cœur pleure. Je vais encore Alice. Ben, je vais faire un pont avec la personne qui gît dans le lit. Là. Ouais, il nous écoute pour checker comment il nous regarde en plus. Je vais faire un pont avec Charles Manson. Leno Labianca, ça c'est une victime de la famille Charles Manson là, avec Sharon Tate. C'est sûr, lui, on avait écrit justement le mot war sur son ventre. Ben, lui, il avait dans les années 60 acheté une maison qui avait appartenu à Disney, Walt de son prénom. Fait que c'est un petit pont avec M. Charles Manson. Ah, d'accord. Ben, on a tous, quoi, 6 degrés de séparation, là, c'est, avec le monde entier. Alors, ça, c'est quoi? C'est 2 degrés de séparation? Walt Disney, Leno Labianca, je sais pas comment... Charles Manson, je sais pas comment... Manson, le Léo, okay. Quelque chose, Walt Disney. Ah, okay, ben, nous autres, okay, en tout cas, on a 0 parce qu'on est juste à côté de lui, là. Le plus jeune, Robert Eddins. Connais-tu? Marc Latrémouille? Non. Tu parles de football, toi, des fois, ici. Ah, c'est quoi ça, non? Robert Eddins, 28 ans, footballeur pour les Bills de Buffalo pendant 5 ans. Ah oui. Il est mort le 20 décembre, cause du décès, meurtre. Serait-ce la famille Manson? C'est peu probable, mais sait-on jamais. Parce que Charles Manson, il était raciste. Hein? Je ne sais pas si vous l'annoncez, si vous le saviez. Non, mais je ne savais pas. Puis, il croyait, en tout cas, puis, en tout cas, il voulait laisser croire qu'une guerre allait éclater entre les Blancs et les Noirs. Puis, justement, quand il a ordonné à sa famille d'aller tuer Sharon Tate et les autres personnes, ben, il a comme mis en scène que c'était les Noirs qui avaient fait ça. Il voulait qu'on pense... Que ce soit les Noirs, je m'en rappelle plus exactement. Skelter, c'est la déclaration de guerre. OK, ouais. Ben, OK, ouais. Puis pourquoi... Okay. Il voulait créer une espèce de guerre civile entre les Noirs et les Blancs en créant une espèce de meurtre raciste. Ah, mais c'est pas lui, justement, qui lisait les paroles des Beatles puis qui voyait tout c'est là-dedans. C'est les Beatles, après, qui sont inspirés de... Je crois. Charles Manson, c'est en 1969. Les Helter Skelter, Beatles. Non, mais la chanson Helter Skelter, elle date de quand? Je pense que c'est avant, 69. Okay, gros succès, parce que j'ai comme l'impression qu'il décortiquait les albums des Beatles puis qu'il voyait justement le chemin à prendre. C'était un musicien, Charles Manson. Oui, il voulait devenir artiste. Ben oui, mais il y a des justement, je pense que dans les victimes, il y a des producteurs, puis des agents. Puis ça vient de là, sa frustration, je pense, d'un petit rocker raté qui n'a pas eu sa chance. Avec ce qu'il prenait, il devait avoir n'importe où des chemins, finalement. De quoi? Avec ce qu'il prenait. Qu'est-ce qu'il prenait? Je sais-tu, moi, du LSD, c'était populaire à l'époque. Je sais pas s'il prenait de la drogue, le Manson. Non, ça me surprendrait. Il buvait peut-être beaucoup, je sais pas. Mais je crois que peut-être pas lui. Lui, je sais pas, mais je sais son groupe, ils étaient influencés par des narcotiques, en tout cas. Ouais, c'est ça. Puis il y avait un lien aussi, Manson, avec le drummer des Beach Boys. Oui, j'ai entendu ça. Ouais. C'est quoi non, encore le lien? Mais je pense qu'ils se voyaient sur leur ranch, là, ou je sais pas trop quoi. Là. Manson, il était toujours à la recherche de plugs. Là, il voulait avoir des... Lui, il voulait faire un disque. Là, fait qu'il se mêlait dans le milieu. Puis, mais je pense que c'était dans le temps que les Beach Boys étaient moins populaires, puis le drummer, il n'y avait plus d'amis. Ou là, je ne veux pas trop dire des affaires qui sont pas vraies. Là. Mais il paraît que le drummer des Beach Boys, il aurait tué ben du monde aussi. Ah, puis lui, il est pas en prison? Non, parce que c'est secret. Ah, moi, je fais que je l'écoute, il me tue. Il paraît que c'est lui qui a tué Kennedy. Il paraît que c'est le drummer des Beach Boys qui aurait tué John F. Kennedy. Alors, c'est le Schizopode qui vous l'a appris aujourd'hui. Et on va tout sauter à nos orgasmes et nos marasmes. OK. Qu'est-ce qui nous a fait jouir et qu'est-ce qui nous a fait suer au cours des deux dernières semaines? Je vais commencer. Ça te fait rien, Marc? Non. Oh. OK. On va commencer par un marasme. La semaine dernière, ouais. Je crois que c'était à Noël ou après, le lendemain de Noël. Oh, ben tabarnouche. Ben oui. Il y a eu du verglas à Montréal. Arrête donc ça, toi. Je te jure. Puis à un moment donné, j'écoutais TVA Nouvelles. Et pourquoi? Une journaliste, je sais pas, je pense que je pitonnais la TV, okay. J'essaie de chercher qu'est-ce qu'il y avait. Un coup, je tombe là-dessus, c'est les nouvelles. OK, je correct, on regarde ça, c'est le verglas. Et il y avait une journaliste dehors dans la rue, il disait c'est très, très, très glissant à l'extérieur et puis c'en est même très dangereux. Une femme témoigne. Après ça, on voit la journaliste à l'extérieur en train d'interviewer la femme qui témoignait, qui disait c'est très, très, très dangereux à l'extérieur et c'est très glissant. Et voilà. Et là, là, on revient à la journaliste et dit, et voilà le témoignage et on retourne au studio. C'est que ça a tardé. Je jure, j'étais découragé de TVA Nouvelles. Ça me fait penser à des sketchs des humoristiques qui font exactement la même chose. Des sketchs de Rocky Balboa, je sais pas. Ouais. J'ai fait, voyons, est-ce que les journalistes sont en vacances cette journée-ci? C'est pour ça qu'ils se forcent pas bien gros à essayer de chercher la nouvelle. Le lendemain, voyons, c'est Carrie Fisher qui est morte. Ouais. Qui jouait la princesse Léa. Ça donne que je suis encore sur TVA Nouvelles. Ils disent... nous allons avoir les témoignages de la rue. Et là, il y a un gars qui dit, je vois mon enfance complètement disparaître avec la mort de Carrie Fisher. Je sais pas. Je trouve ça tellement cliché comme déclaration. Ou bien peut-être la journaliste lui a dit, dis ça au micro, ça va être payant. Ouais. Ah, je sais pas. Je trouvais pas que c'était de la nouvelle très recherchée. Là. C'est bien, ça n'a jamais été de la nouvelle recherchée, tout court. À tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est médiocre. Totalement médiocre. Vous êtes-vous déjà masturbé, vous, sur Carrie Fisher? Non. Jamais? Moi, oui. Ah. Peut-être dans Return of the Jedi, là, j'imaginais pas un Ewok, mais c'était dans la forêt. Tu sais, un moment donné, là, dans son... comment ça s'appelle, là? Sa moto volante, là? Puis un moment donné, oui. Elle tombe, puis elle se ramasse dans une forêt. Les jambes écartées, une forêt, puis là, là, je m'imaginais là, dans le bois avec elle, avec son petit... Elle a comme un imperméable, tu sais, facilement enlevable. Enlevable, je sais pas si ça se dit. Puis ouais, je me dans le sous-sol chez nous, quand j'étais jeune, je me faisais des petits scénarios, puis... T'étais-tu un petit Ewok dans ton scénario? Non, c'est ça. Non, j'étais pas un Ewok. Ça, c'est mon marasme. Okay. Mon orgasme, au début de la semaine... quel jour qu'on est? On est vendredi. Au début de la semaine, mon orgasme, c'était sur la planète Terre. Je m'explique. J'ai vu défiler dans les nouvelles que... Le 31 décembre à minuit, on a rajouté une seconde à toutes les horloges mondiales parce que la rotation de la Terre aurait ralenti d'une seconde cette année. Puis il paraît que c'est la 27e fois depuis le début des années 70 qu'on rajoute une seconde aux horloges mondiales. Puis là, je me suis dit, waouh, tel un hippie des années 60, tu sais, je me suis mis à capoter sur la Terre en disant, waouh, c'est pas juste une sphère, mais c'est une boule organique, c'est vivant sur ce qu'on vit, c'est incroyable. Les scientifiques disent qu'il y a un réchauffement de la planète de tant de degrés dans tant d'années, mais non, on se réchauffe encore plus. Waouh, si c'est cute, tu sais, elle réagit, il y a des tornades à droite, à gauche, il y a des inondations. J'étais fasciné par ça. C'était mon orgasme. Jusqu'à ce qu'il y a deux jours, il y a de la pluie verglaçante qui fait couper l'électricité chez nous pendant 24 heures. Puis ma maison, hier soir, était à 10 degrés. On gelait en tabarnak. Puis là, j'ai dit, fuck cet orgasme-là. Fuck la Terre. C'est plus ça, mon orgasme. Ça va être autre chose. Fait que finalement... Mais y a-t-il une raison pour laquelle... ça, tu dis que la Terre, elle a... ralenti. On ralentit toujours de plus en plus. Ça fait 27 fois qu'elle ralentit? Tu dis que ça fait 27 fois qu'on a remarqué, qu'on change les horloges mondiales depuis le début des années 70, depuis 40 ans à peu près. C'est la 27e fois. La Lune qui tourne autour de la Terre fait ralentir la Terre. Puis, comme par exemple, à l'époque des dinosaures, il y a 65 millions d'années, une journée entière, un tour, c'était pas 24 heures, ça prenait 23 heures. Il y a 680 millions d'années, c'était 21 heures. OK. C'était vraiment plus rapide. Merci. Fait qu'on ralentit de plus en plus. On va-tu s'arrêter à un moment donné? À un moment donné, je ne sais pas dans combien de temps, mais je sais que la Lune va prendre 45 jours à tourner autour de la... Là, elle prend 28 jours et quelques fractions. Ben dans quelques années, dans plusieurs millions d'années, ouais. La Lune va prendre 45 jours à tourner autour de la Terre. Et la Terre, sa journée va prendre 45 jours. Donc, ils vont toujours faire face l'un à l'autre. OK. Le soleil a probablement le temps de mourir aussi avant que la Terre arrête complètement. Oui. Ça vit pas des milliards d'années, un soleil. Ça vit des centaines de millions d'années, mais pas plus. Ben là, le 4 milliards... Attends, le l'univers soleil a 4 même milliards... pas des milliards d'années. 13 milliards d'années, l'univers. 13 milliards? Oui, le soleil a 4 points quelque chose de milliards d'années et il y en a encore pour 7 milliards d'années. Ah, OK. Ça, c'est basé sur... Mes enfants vont-ils être encore vivants? Peut-être. Ben, c'est-tu la semaine dernière où il y a un mois, on parlait de la pilule qui allait... c'était l'application. Ah oui, c'est vrai, c'était l'application qui allait empêcher de mourir. Ah, OK, c'est vrai. La vie éternelle. Mon vrai orgasme, je vais y aller avec la régie du logement. Je m'explique. Nous, on a un triplex à revenu à Saint-Jérôme. Et puis, depuis quelques temps, il y a un locataire qui a décidé de ne plus payer. Vous avez votre maison plus un triplex ou bien vous êtes au rez-de-chaussée? On a une maison à Rosemère puis un triplex à Saint-Jérôme. Depuis combien de temps? 3 ans. Ah ouais, OK. Ça fait pas longtemps. Bon, raconte-nous ça. Pour l'instant, c'est pas payant parce que les revenus de loyer, ça paye l'hypothèque, mais ça paye pas les taxes municipales, ça paye pas les taxes scolaires, ça paye pas les assurances, ça paye pas tous les petits traîneaux que tu as à faire. On est toujours un petit peu en déficit. Puis là, il y a un locataire qui a décidé de pas payer depuis le mois de novembre. On a été le voir autour du 15 novembre. Ah oui, je peux pas vous recevoir, je suis en réunion. Puis là, finalement, on l'a forcé à qui nous parle. Tu pourrais au moins nous appeler pour nous dire que tu sais, t'es dans difficulté financière. Ouais, je devrais faire ça. Ben là, ça va rentrer la semaine prochaine, l'argent depuis ce temps-là, le mois de novembre. Il n'a pas payé. Fait que là, la belle-mère, elle disait, hey, c'est dur faire sortir un locataire. Là. Les lois sont pour eux autres. Là. Puis tu sais, ça, c'est tellement faux. Ils sont très pro-propriétaires, les lois. Mais bref, justement, tu vas nous le prouver. On était à Régie du logement. On a déposé une plainte. Et puis la convocation devant le juge était hier. Et on arrive, bien sûr, devant le juge. Est-ce que le locataire est là? Il ne s'est pas présenté. Fait que la juge est habituée. Elle fait « Bon, est-ce que le locataire a payé depuis le mois de novembre? Non. Pas payé en novembre, payé en décembre? Non. Payé en janvier? Non. Est-ce que vous avez la signification du huissier comme quoi vous l'avez averti qu'il y avait une convocation aujourd'hui? Oui, parfait. Alors, il va recevoir une lettre dans 10 jours comme quoi vous le mettez dehors. Et vous allez avoir un huissier, la police va être là, des déménageurs. Vous allez mettre son stock dans la rue puis se débrouiller avec ça. » Ça, je trouve ça merdique. Je suis moi-même propriétaire, puis je trouve ça répugnant comme façon de faire. Mais il paye pas, puis il veut pas lui parler. Il paye pas. Toi, t'as un toit, il paye pas son loyer, toi, tu vas le crisser dehors. Je trouve ça sale en esti. Honnêtement, là, je ferais même pas ça, moi. Sais-tu quoi? Puis je suis propriétaire. Mais moi, je suis d'accord. J'accepte ta frustration. Mais crisser le monde dehors dans la rue comme ça, l'hiver, pour moi, je trouve que c'est criminel. Je m'excuse, mais c'est criminel. Mais sais-tu quoi? Il veut pas nous parler. Il coupe les communications avec nous. Mais attends, au printemps avant de le crisser dehors. Non, parce que la banque, elle veut son argent. Puis si elle n'a pas son argent, je peux perdre ma maison à cause de lui. Tu comprends? Je serais pas capable. Je serais pas capable de. Je vais falloir que je paye les montants, l'hypothèque de mon logement. OK? Elle va prendre une saisie. Si je suis pas capable de payer l'hypothèque sur mon logement, elle va prendre une saisie sur le logement. Là. Oui, mais en même temps, je vais perdre l'argent. C'est pas ta faute. C'est la loi que je trouve qui est complètement sauvage. Oui. Puis cette loi-là, elle est toute récente. Avant, on pouvait pas sacrer un locataire aussi facilement que ça. On pouvait, mais c'était pas aussi facile. Aujourd'hui, là, les propriétaires ont vraiment tout le droit. Moi, personnellement, je dirais cas par cas. Je veux dire, le gars, là, tu sais, supposons, moi, le gars, bon, vous l'avez connu avant, vous y avez parlé, vous l'avez déjà rencontré. Oui. Vous avez fait un peu une idée de quel genre d'homme que c'est, oui. Tu sais, son métier, puis tout. C'est sûr que moi, bon, c'est sûr que, tu sais, si j'aurais vraiment pogné à gorge, puis que j'ai plus d'argent, la seule solution, c'est de le foutre dehors, peut-être je le ferais. Mais c'est sûr que je n'analyserais le gars, puis peut-être que dans ma tête, tu aurais un plan de le foutre dehors à telle date pour pas justement qu'il se gèle les couilles. Tu sais, comme par exemple. Non, mais. Comme par exemple, supposons, je décèle un petit trouble mental, ou ben, tu sais, une perte de job, ou ben, tu sais, quelque chose chez eux. Pourquoi il paye pas? Il a l'air vraiment irresponsable. C'est un gars de 28 ans, il est sur le bien-être social, il travaille en dessous de la table. Et on soupçonne qu'il vend de la drogue en plus. Fait hey, que... paye, tu vas finir dans la rue, gros cave. Mais tu en plus. Tu te rends compte que c'est plate, je lui dors. Non, mais en plus, là, c'est pas comme si on l'avait pas averti. Puis ici, il va recevoir une lettre du huissier, pas du huissier, de la régie du logement, comme quoi il y a jusqu'à telle date pour vraiment trouver un autre logement. Il sait tout. Puis nous, on essaie de le rejoindre en plus. Il nous a donné son. Il cherche. Il nous a donné son numéro de téléphone à la maison. Il dit, mon cellulaire ne fonctionne plus, là. Il nous a donné son numéro de téléphone à la maison. Quand on était le voir au mois de novembre, on appelle ce numéro-là. Il n'y a aucun. Il n'existe pas, ce numéro-là. Fait que là, lui, c'est fini, là. C'est pour ça qu'il arrive avec un, deux, non, deux trois mois de loyer. S'il arrive avec deux, trois mois de loyer, c'est un X. Vous l'avez... C'est un X parce qu'il okay. nous a causé tellement de troubles, là. Parce que moi, je veux juste faire une parenthèse. Ma voisine, Odette, c'est une vieille femme de 72 ans. Elle est obligée de travailler puis chercher une job parce que son. Le gouvernement, ce qu'il lui donne, ça lui, c'est pas assez pour payer son loyer puis se nourrir. Puis là, elle a des problèmes avec ses propriétaires que je connais très bien, qui Jacques, qui est un homme très sympathique, mais sa femme, c'est une calisse de folle, une esti de vache. Bref, je m'en retiens parce que elle m'a déjà crié une fois pour rien, puis bref, c'est la guerre entre moi et elle. Puis je sens que cet été, ça va aller très, très mal, mais bref, j'ai hâte à cet été parce que ça va être une putain de guerre chaude. Mais ils veulent la foutre dehors. Pour je sais plus quelle raison. Eux autres, ils ont des locataires à chaque 6 mois, à chaque 3 mois, ils changent de locataire. Bref, c'est vraiment étrange. Puis j'ai dit, ah, t'inquiète-toi pas, là. Ils peuvent pas te foutre dehors aussi facilement que ça. Ça se fait pas. Fait que je voudrais juste faire une parenthèse. La juge, t'es une crise de vache. Il y a du monde qui va finir dans la rue à cause de toi et tu t'en calisses. Tu gagnes 150 000 par année. Fuck you. Non, mais c'est vrai que c'est dur de mettre un locataire dehors, mais. Aussitôt, s'il ne paye pas, ça, c'est, con... c'est ça, contre c'est, lui. C'est le même problème. Le problème de payer, c'est la même chose. Je pense qu'elle a un retard d'un mois ou deux, quelque chose comme ça, c'est la même chose. Mais elle a 72 ans et elle cherche une job. T'sais. Puis là, tu as un gars de 28 ans qui vend de la drogue. Ouais, puis en plus, il ne veut pas nous parler. Il ne nous a pas parlé. Ça fait 3 mois qu'il refuse de nous parler. Non, c'est comme ça. Il ne veut pas qu'on avec nous. Ça devrait être du cas par cas. Puis, ouais. Puis comme par exemple, Odette, il devrait avoir vraiment une. Okay, je suis jurisprudence la... oui. pour au moins l'été, mais ton mais je suis d'accord avec toi, sauf que Odette, elle se serait présentée devant le juge, elle aurait expliqué son cas. Oui, ça, c'est clair, ça, c'est évident. Puis la juge, je crois qu'elle aurait, oui. elle aurait vraiment négocié plus, ça. Plus ben, j'ai vu, parce qu'on n'était pas les seuls propriétaires à être là. Je veux dire, on était plusieurs à être convoqués, là, puis des propriétaires avec le locataire. Puis j'en ai vu des propriétaires avec le locataire, quand ils sont sortis après ça, ils se sont mis à parler. Puis il y en a une qui a dit, est-ce qu'on discute ou quoi, ou pas? Puis elle dit, OK, correct, on va discuter à l'extérieur. Puis... je pense que la juge a dit, arrangez vos affaires ensemble. Mais là, lui, il ne s'est jamais présenté. Ouais. Il a eu une lettre du huissier. Il ne s'est jamais présenté. Non, c'est ça, je dis, il cherche. Ouais. Voilà. Marc Jodoin, hein? Non, mais est-ce que j'ai juste une lettre? Ouais. Je suis d'accord avec toi, cas par cas. Ouais. OK. Marc Jodoin, c'est à toi de nous éjaculer en pleine face ou bien de nous fier en pleine face? Non, moi, orgasme ou marasme? C'est très, très simple. Bon, je vais commencer par mon marasme. Là, j'ai une espèce de blues depuis 48 heures parce que. C'est vraiment un marasme très profond, très sincère, très... Bref, qui me remet en question à différents niveaux de mon existence, qui me fait énormément réfléchir sur mon avenir, qui est une source profonde de dépression et de tristesse. Bref, je recommence à travailler lundi, c'est chiant. Mes vacances sont terminées. Okay. Ton fameux travail que tu aimes beaucoup. Ouais, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des côtés, il y a des facettes de ma job que j'adore, d'autres moins. Mais bref, c'est juste que je recommence à travailler, ça me tente pas, surtout après 2 semaines. Après 3 jours, j'ai pas le goût de rentrer, j'ai le goût de démissionner tellement j'ai réussi à me détacher de la job, mais je n'ai vu après 2 semaines. Bref, puis mon orgasme, c'est une redite. Je vous ai parlé d'un jeu qui avait été pour moi un coup de cœur. J'en avais acheté la trilogie dans une pharmacie. On m'en avait beaucoup parlé. C'était la trilogie de Mass Effect. J'ai terminé les 2, j'ai commencé le 3. Et je peux dire ici que je comprends pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour jouer à ce jeu, parce que honnêtement, c'est probablement une de mes meilleures trilogies à vie. Scénaristiquement parlant, c'est très poignant, c'est très intéressant, la profondeur des personnages, c'est un putain de jeu vidéo, mais t'as l'impression de jouer à un film ou à jouer à un roman tellement il y a de complexité, de trames narratives, d'histoires différentes, de personnages, d'imbroglio autant politiques que de toutes sortes. Par exemple, ce qui est intéressant avec cette trilogie-là, c'est que toutes les décisions que tu prends dans le premier influencent et transforment et vont s'évoluer et influencer, autrement dit, ce qui va se passer dans le 2. Certains personnages que tu aurais pu tuer ou pas, ou sauver ou pas dans le 1, seront pas ou seront là dans le 2. Des choix que tu auras fait dans le 1 et également vont influencer le 2. Même chose pour le 3, donc les choix, les décisions, les faits et gestes que tu fais dans le 1 et le 2 vont modifier énormément ce qui va se passer dans le 3. Ça, c'est complètement dingue, j'ai jamais vu ça dans un jeu, ce qui fait qu'il y a une rejouabilité de malade. Bref, pour moi, c'est un énorme coup de cœur, un orgasme. Ça fait Une journée, je pense que j'ai commencé à matin, j'ai joué plus de 26 heures. Faut pas le dire. À matin. Ce matin, 26 heures. Fait que tu remplaces tes... En tout cas, ouais. Je m'en ai dit de quoi, mais c'est trop personnel. Tu veux que je le dise quand même ou non? Non. OK, c'est beau. Bon, ben, c'est fini? Ouais. Ouais, ben, félicitations. Bon, moi, mon orgasme... Il est juste ici. Orgasme, les nouveaux albums de deux bandes de thrash légendaires. Brotherhood of the Snake, The Testament, et Gods of Violence, The Creator. C'est le 11e album de Testament, le premier date de 1987. C'est le 14e album de Creator. Le premier est sorti en 1985. Juste pour donner une idée, là, le chanteur de Creator, Milan Petrozza, a 49 ans. Et le chanteur de Testament a 55 ans. 49 ans seulement, c'est-tu, il n'est pas vieux? Mais non, j'avoue. Chuck Billy, 55 ans. Puis en plus, c'est ça, Creator, ils ont 14 albums. Moi, j'ai acheté l'album de Testament. C'est très rare maintenant que j'achète un album au complet. Hein, des fois, j'achète juste quelques tunes. C'est le pouvoir qu'on a présentement. Rapidement, une critique que j'ai lue de Brotherhood of the Snake sur comment ça s'appelle donc? Un site qui s'appelle Blabbermouth. Alors, leur critique. Brotherhood of the Snake is astonishingly thrash, virtuously taken to yet another level. 30 years from Warren Trust begin to explore his seniors of Bantazer. I've sort up one cleric after another. C'est un site espagnol? Juste, je sais pas, mais ça donne sûrement goût d'acheter l'album. Ben attends, il ressemble à quoi? Il ressemble à quel album de Testament? Il serait proche de quoi, Practice ben, moi, Non, pas en tout, genre plus avant. Mais moi, étonnamment, c'est ça, là, étonnamment, j'ai jamais été un fan de Testament, j'ai jamais eu d'album. Je connais les hits. Cet album-là, il est puissant, il est speedy, la grosse guitare, puis une voix super bonne. Encore, Chuck, malgré ses 55 ans. Il n'y a plus de couilles, je pense. Ah, ouais, c'est vrai. Malgré ses 55 ans, c'est vrai, bon, ça paraît pas. Non. Et quant à Creator, l'album, il sort fin janvier, mais les deux tunes que j'ai achetées, Gods of Violence et Satan is Real, c'est deux bijoux qui me font regretter mes cheveux longs. Puis sa voix aussi, là, à lui, là, il a ce qui est bonne. Mais c'est ultra old school, là. C'est vraiment du old school. Puis la critique des deux tunes de Creator, ça va comme si Market for Posterity 1906 is going down as one of the thrash greatest years and. C'est ça. C'est vraiment. Excellent. C'est allemand. Ouais. Mais là, en parlant de Rockstar, je me demande si on va voir Axl Rose retenter. Oh. Mais il fait pas une tournée, lui. Non, mais il vient pas à Montréal ou ils sont déjà venus il y a pas longtemps? Ça vient pas quand il y avait son chandail, là, Charles Manson, ça a fait la controverse. Oh, ça me dit quoi, ça? Ben là, tu parles de 25 ans, genre? Ouais, ben je pense qu'il était venu à Montréal puis il avait fait un fuck you, là. Fuck you, Montreal! Ben oui, il était parti. Ouais, puis il était parti, puis ça a eu la vie. Ouais, tu peux pas être plus fuck you que ça. Il fait deux tonnes, il crie son camp. Mais tel qu'il était revenu quelques mois après avec un show gratuit pour s'excuser parce qu'il faisait la première partie. Puis oui! Outré par le geste, puis on dit « OK, on fuck off, on va revenir quelques mois plus tard, puis on fera un show gratuit. » J'avais trouvé ça très, très honorable du groupe Metallica. Parlant de musique, Marc, je te regarde, là, je trouve que t'as un look George Michael. T'es pas la première personne qui m'a dit. Ah ouais? Mais ça me frappe là. Oui, exact. Je ressemble à beaucoup de gens. Hein. J'ai déjà ressemblé à Brad Pitt, et oui, mesdames et messieurs. J'ai déjà ressemblé à Leonardo DiCaprio, et oui, mesdames et messieurs. Ah oui? À David Duchovny. Viggo Mortensen, Mortensen pendant l'époque de j'avais les cheveux longs pendant l'époque de Lord of the Rings. Oui, je trouve ça tout le temps complimentaire, mais je me trouve plus beau que okay. Toi, Marc Attremont, il y a qui on t'a déjà comparé? Monsieur Net? Ah ben oui. Ben, t'avais une boucle d'oreille, un anneau avant? Oui, c'est vrai. Ah, c'est-tu. Ouais. T'avais pas la barbe en plus? Non. Moi, quand j'avais les cheveux longs, puis j'étais pas mal plus maigre, on me disait souvent que j'avais l'air à Jésus-Christ. Puis maintenant, on dit Martin Matt. On me le dit souvent. Peut-être. Surtout quand je fais des grimaces. Ça m'arrive souvent. Tu fais en noir, là? Ben, calice de tabarnak! C'est si bon! C'est un Martin Matt, il y a même le même genre de personnalité en plus. Mon marasme! Olivier Niquet. Un des animateurs de l'excellente émission de radio « La soirée est encore jeune » a fait une rétrospective des meilleurs extraits, voire les meilleures bourdes ou idioties qu'on a pu entendre en 2016 de la bouche de personnalités publiques québécoises, principalement les politiciens et les animateurs de radio. Disons que quand on entend les Éric Duhaime, André Arthur, Jean Tremblay, Marc Jodoin, Doc Mailloux, Denis Gravel de ce monde, Jeff Fillion, ben le marasme nous frappe de plein fouet, hein. Que de conneries, mesdames et messieurs. Mais au lieu de leur cracher mon fiel au visage, je vais plutôt les remercier. En effet, malgré ma dyslexie de la gueule, mes lacunes au micro, mes prononciations boiteuses, mes doutes et mon manque de répartie, quand j'entends des hommes qui utilisent leur tribune comme nous l'a montré cette rétrospective, maudit que je me sens moins con et surtout beaucoup plus sympathique. Merci beaucoup. Ah, tu l'as écouté, Marc Latremouille? C'est une drôle de coïncidence, je l'ai écouté hier soir. OK, puis des fois, tu fais-tu des tabarnouches, je sens pas dans le... Oui. Éric Duhaime, c'en est-tu un? Hein? Ben, lui, j'ai de la misère avec lui. Mais tu sais, sa fameuse phrase qu'il utilise souvent dans l'émission, là, vaut mieux de la mauvaise information que pas d'information pantoute. Moi, c'était... qui travaille avec Duhaime, là, l'ancien péquiste? Landry, non? Pas Landry. Bernard... Duhaime a travaillé avec un péquiste? Ouais, Bernard, celui qui a fait la charte. La charte. Ah, Bernard Drainville. Drainville, voilà. Je travaille avec lui. Puis, à un moment donné, je crois que le sujet de conversation, c'était est-ce que les hommes pissent debout ou assis? Ouais. Oui. Puis là, le monde posait la question, pas posait la question, mais je pense que c'était les gars de la soirée étant encore jeune, ils disaient, hey, il a quitté le PQ pour ces genres d'émissions de radio, là. Il doit vraiment s'ennuyer. Je vois pas vraiment la différence avec les conneries qu'il a faites avec la charte, là, pour les deux, ça finit dans la toilette, C'est pas Éric Duhaime, justement, qui disait, puis c'est assis, c'est un manque de virilité. Oui! Moi, je pisse assis en tabarnouche, je me sens bien quand je pisse assis. Mais sais-tu quoi? Moi, quand je dors, puis il faut que j'aille pisser, je pisse pas debout parce que, tu sais. Tu vas te péter à la face dans le miroir. Ben oui, je vais te péter à la face dans le miroir, je risque de pisser partout. Faut que là, reste assis. Éric Duhaime, je vois souvent sur sa page Facebook pour voir ses opinions sur l'actualité. Je fais la même chose avec Martineau, je devrais pas faire ça. Mais c'est hallucinant. Ces deux personnes-là, il faut le dire, c'est pas des journalistes. C'est des chroniqueurs, donc ils ont... Éditorialistes, leur statut leur permet de dire n'importe quelle stupidité non vérifiée, non vérifiable. Comme ils ne sont pas journalistes, ils peuvent dire n'importe quelle connerie. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire nous autres aussi, donc, présentement. Tu peux dire qu'Éric Duhaime, il est intelligent, par exemple. C'est tout? Ben là, je me retiens. OK. On passe à un autre sujet. Marc Latremouille, est-ce de Saint-Cyboire? Toi, tu veux nous faire l'historique des... L'historique de quoi, tabarnak? Des sacres! Ouais. Ouais, je voulais parler de ça. Pourquoi t'as parlé de ça? Pourquoi tu voulais parler de ça, juste? J'ai eu une commande de parler de ça. De notre patron? Ouais. Puis après ça, finalement, le patron, il disait à se faire. Lui, j'ai dit non, je trouve que ça va être une bonne idée. Je trouve que c'est une bonne idée, ça va être un bon sujet. Puis, ce sera pas comme tu penses. Ça va être à la manière Marc Latremouille, c'est-à-dire avec bien des faits historiques. Okay. Sauf que je sais que vous, ce que vous vouliez, c'est genre « calice », ça vient d'où ce mot-là? Et peut-être. Non. Maintenant, on dit « Chris », ça vient d'où, etc. Mais je vais commencer par dire « chaque région du monde a sa manière de blasphémer ». Blasphémer, c'est vouloir dire du mal de quelqu'un ou l'injurier qui s'est lentement transformé à vouloir dire du mal de l'Église. Surtout ici, au Québec. Juste ici. Ouais. En anglais, on blasphème sur le sexe. Il y a « fuck dick ». En espagnol, sur la femme, on meurt légère. « Putain ». En français d'Amérique du Nord, on blasphème sur les mots de l'Église en les déformant, ce qui devient un sacrilège. Je sais pas, on peut t'interrompre. Non, mais c'est vrai, comme tu dis en anglais, là, « sexe »,« motherfucker », »,« you are pussy », »,« fuck you », c'est vrai, hein? C'est juste ça. Oui, c'est exact. C'est les Français aussi sont forts sur le sexe. Ouais. Putain, pute, enculé. Puis on voit l'influence espagnole là-dessus. Là. Ouais, je vais m'affaire. C'est très, très gay aussi, les insultes françaises. Cocksucker, mais ça, c'est anglais. Tu sais, oui, c'est, comme tu dis, c'est anglais. Mais l'origine des sacs du blasphème, de ce qui est sacré, c'est pas vraiment clair. Ça viendrait d'avant la colonisation, d'ici. Parce que, tu sais, on dit qu'on sacre contre l'Église, là. Et même, ça daterait d'il y a plus de 2500 ans. Par exemple, le deuxième commandement de Dieu qu'il a donné à Moïse sur le mont Sinaï, c'est « Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, à faux. Bon, » ouais. C'est une imitation assez fausse de Dieu le Père. Bon, prescrit de respecter le nom du Seigneur qui est saint. Au Moyen-Âge, en Europe, sacré contre l'Église était puni par le politique. C'était le roi qui punissait un sacre un blasphème qui soit d'ordre actif ou linguistique. Bon, linguistique, on comprend. Actif, par exemple, pisser sur une croix. Fait que le palefrenier, ouais, mais le palefrenier du roi, là, qui se donnait, genre, je sais pas moi, un coup de sel sur le doigt, là, et puis il faisait tabarnak! Il se faisait chicaner, genre? Il devait pas dire tabarnak. Okay. C'était le roi qui punissait ces blasphèmes-là et non pas l'Église. Oui. Ouh, il devait pas avoir beaucoup de punitions parce que le roi et l'Église, au Moyen-Âge, la relation n'a jamais été vraiment bonne. Ça dépend de quel roi. Le roi de France souvent était en relation avec l'Église. Ouais, d'autres oui, fois. Oui, mais l'Église, ça mêlait trop de politique puis ça gossait pas mal le roi. Oui, je suis d'accord avec toi. Sauf qu'il y avait quand même un pouvoir suprême. Il y avait peut-être des rois plus pieux que d'autres, là, on va dire. Il y en a eu. Mais il y en avait qui devaient seulement sacrer à chaque fois. Oui, mais peut-être que le roi, c'est ça, il s'en colissait que les gens les sacrent. Même s'il avait comme mandat d'épinaire. Sauf que c'est quelqu'un de riche, puis il a besoin de cash pour financer une armée, je sais pas. Ouais. Mais encore aujourd'hui, en Iran, c'est le cas. Hein. La politique et la religion, ils font qu'un, là. On dit à l'époque du Moyen-Âge, en France, par exemple, je reviens souvent sur les exemples de la France, le roi, la religion, si le roi décidait de punir, mais aujourd'hui, en Iran, la religion, ça ne fait aucun avec la politique. Et où est-ce que je suis rendu, là? Mais au 17e siècle, en Europe, le siècle des Lumières a sorti la religion de la sphère politique et juridique, et les philosophes de l'époque dénie à la religion les droits d'imposer ses croyances à toute la société et donc interdit d'éventuelles sanctions. Donc, on se lâche plus lousse à partir des années 1600. Donc, pourquoi le français d'ici sacre sur l'Église et le français de France blasphème sur autre chose? Comme j'ai dit tantôt, merde putain, on sent l'influence espagnole. Parce qu'ici, l'Église catholique était très présente dans nos vies jusqu'aux années 1960. Tandis qu'en Europe, à la Révolution française de 1789, on abolit le délit de blasphème établi par le principe de liberté d'expression, de liberté de religion, et on établit la création d'un État laïque. Moi, mon père, il a fait son cours classique donné par les frères. Ma mère, c'était par les religieuses, puis il ne faut pas oublier, hein, les infirmières de cette époque-là, des années 30-40, c'était des religieuses. L'Église était vraiment partout. Infirmières religieuses, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une image, puis j'ai une érection. L'Église est moins présente dans leur vie aujourd'hui, donc on sent moins le besoin de blasphémer contre. Donc la France fait plus de 200 ans que l'Église est moins présente. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de. Quand ils sacrent eux autres, il n'y a vraiment pas de sac contre l'Église. Oui, parce que sacré, il faut une catharsis. Il faut que ça donne une émotion à Grèce. Ouais. C'est que ça défoule, puis les Français, autres, ils s'en calissent de l'Église, donc ils vont pas dire calisse parce que ça les touche pas. Moi, ce que j'aime quand je sacre, c'est pas nécessairement sacré contre l'Église, mais c'est les mots qui sont comme frappants. Oui, phonétique. La phonétique, c'est ça. La phonétique, elle vient nous chercher, sauf que c'est agréable. Notre culture, tu peux pas la nier parce que tu viens d'une éducation qui vient d'une éducation. Peut-être que dans 200 ans au Québec, ça fonctionnerait plus. C'est exactement ça que je t'allais dire, parce que ma mère, moi, était très influencée par l'Église, puis quand j'étais jeune, elle va à l'Église, va tous les dimanches. Ouais, puis mon père, il avait fait le garçon de messe quand il était jeune, puis c'était vraiment... Puis si je sacrais, sacrilège, non, tu peux pas, tu vas être puni par Dieu. Non, plus maintenant. Okay. J'étais jeune, tu vas être puni par Dieu, tu vas aller au purgatoire, puis hey, elle a-tu été assez influencée, là, puis je sais, puis moi, mon père sacrait, je me suis mis à sacrer. Lui, je pense qu'il était vraiment plus capable de l'Église, mon père. Comme je t'ai dit, il a fait le garçon de messe trois fois par jour, là, parce qu'il était enseigné par les prêtres, puis après un certain temps, il allait plus à l'Église, même si ma mère nous forçait à un moment donné je pense que je peux plus te forcer, parce que le père, il allait pas à l'Église. Il a tellement été quand il était jeune que je pense qu'il avait été le restant... Ouais, il a tout overdose. Mais comme tu dis, je regarde les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes ados, là, puis je crois qu'ils sacquent beaucoup moins que nous à l'époque. Oui, je pense que le sac, c'est plus genre les années 60-90 dans ce coin-là, je crois. Mais tu vois, moi... Ça va être remplacé par quoi, les mots anglais? J'en ai aucune idée. Ils vont dire... Ils vont y aller par diminutif, là. Ça parle en mots Internet, là, tu sais. Ou bien j'allais dire des barbariques, des onomatopées, ou je sais pas, dans le langage. T'es-tu fier de moi, Christian? Oui, merci. Mais moi, tu vois, j'ai eu aucune éducation religieuse, parents complètement athées, j'ai jamais été à l'église. Puis ma blonde est parisienne, donc on vient de le dire, les parisiens s'en calissent des sacs. Ce qui fait que moi, je sac couramment devant mon petit kid de 8 ans, puis ça choque pas ma blonde, puis moi, ça me choque pas pantoute. T'as-tu été influencé par tes amis qui t'ont appris à sacrer? Oui, c'est qui? Mon père est sacré. Ouais. Okay. Mon père est sacré beaucoup, mais je veux dire, c'est que ça n'a pas une valeur blasphématoire. Oui. Mais c'est pas beau dans la bouche d'un enfant, tu sais. un enfant qui sacre, c'est pas beau. Sortant de la bouche d'une personne vulgaire non plus. Je pense que le sacre... C'est pas beau parce que tu le vois pas beau. Ouais, mais c'est con à dire, mais ça peut être comme un fumeur. T'sais, des fois, la cigarette peut pas avoir l'air cool. Je dis pas qu'un sacre peut avoir l'air cool, mais des fois, ça peut ça sort bien comme certains... Ouais. Des sacres bien placés dans des monologues d'humoristes, là, tu sais, c'est le fun. Ouais. Hey, parlant de ça, moi, j'ai à job un gars qui vient de... D'où qui vient? Du Congo. Puis il me fait souvent penser à Boukhar Diouf, pas nécessairement parce qu'il lui ressemble physiquement, mais je trouve que lui ressemble intellectuellement. Il y a une répartie tellement rapide. Je trouve que ses propos sont intelligents. C'est pour ça qu'il me fait penser à Boukhar Diouf. Puis quand Denis s'est mis à sacrer, il est tout nouveau ici au pays. Au lieu de dire tabarnak, il disait batarnak, tu sais, comme s'il n'avait pas encore. Excellent. Il me faisait rire. Il comprenait la différence. Il ne voulait pas sacrer, mais il jouait quand même le jeu de l'immigrant qui n'avait pas encore... complètement maîtriser le sac. Ben, c'est vraiment... on parle c'est vraiment en... bon. Juste terminer avec les Français, encore une fois. Je connais beaucoup d'amis français. J'adore les Français. Vive la France. Mais bref, il y a beaucoup de Français qui viennent ici puis qui adoptent très rapidement nos sacs et ils en jouissent. C'est vrai. C'est étrange. Parce que là-bas, ça les touche pas, mais rendu ici, ils en jouissent. Puis c'est une des premières choses qui adoptent, c'est vraiment nos sacs. Ben moi, je veux dire, à force d'écouter des films français, j'ai commencé à dire putain, j'aime putain. Ça, puis enculé, ben, ça un peu moins. Mais putain, je le dis souvent. Mais l'autre fois, j'ai entendu dans un podcast, la première fois que je l'entendais, je ne l'avais jamais entendu parler, Pierre Foglia, qui est un Français. Oui, c'est français. Mais c'est ça, il parlait avec Pierre Falardeau, c'était beau. Mais Pierre Foglia, il sacrait, puis il avait un accent, mais... Ça sort bien dans la bouche. Ça fait longtemps qu'il est ici. Oui, quand même. On dirait que les sacs sont comme propres, ils ont été comme polis, là, ça sort bien. Non, c'est ça. Chez certains Québécois, là, c'est très vulgaire. Ah, c'est gras, c'est sale. Ben merci, Marc Latremouille. Ça fait plaisir. J'ai fait deux top 10. Deux? Je vais y aller avec le premier. Mon premier top 10, c'est mes meilleures journées en 2016. Oh! Okay, mes meilleures journées. Non, malheureusement, j'ai perdu les notes qu'est-ce que j'ai fait ces journées-là, mais je vais vous dire les dates. Donc, le 8 janvier, le 23 février, le 5 mars, le 13 avril, le 12 et le 18 juin, le 1er août, le 3 et 27 octobre et le 13 décembre ont été mes... se retrouvent dans mon top 10 de mes meilleures journées. Le 13 décembre, tu t'en souviens? C'est passé quoi le 13? Quelque chose j'ai mangé, t'es gratté? Quelque chose j'ai mangé. Tu peux pas gratter tes mon grosses, eczéma. C'est peut-être Juliette qui m'a zelché. Juliette, c'est ma chienne. C'est pas sa blonde, là. Une chance de préciser, oui. L'autre top 10, sinon c'est top 10 des beautés 2016 au grand écran que j'ai vu. Je pensais que j'allais faire partie de tes beautés. Au grand écran, c'est pas nécessairement des films qui sont sortis en 2016, mais c'est des films que j'ai vus en 2016. Fait que je vais faire ça vite. Il y a des actrices là-dedans que vous connaissez. 10e rang, Kim Basinger, que j'ai vu dans le film Hunted, un thriller de 2008. Elle joue une mère de famille qui vit dans une banlieue chic avec ses deux enfants et son mari violent. Tout bascule le soir de Noël quand elle est témoin d'un meurtre, du meurtre d'un homme par un gang de jeunes. Alors, ça fait 10 ans, 2008 presque. Puis encore très belle, encore des belles lèvres 2008, pulpeuses. Aujourd'hui, 2016. Je n'ai pas regardé aujourd'hui. Okay. Pas aujourd'hui, mais elle était encore très belle. Bon, c'est sûr que c'est... Mais il y avait du maquillage sûrement et tout ça, mais t'es sacrément bandante. Numéro 9, on remonte à très, très, très loin. C'est un film d'horreur, 1981. Le personnage de Carla Moran qui est violée et agressée par une force mystérieuse. C'est Barbara Hershey dans le film The Entity. C'est vrai qu'elle a un petit quelque chose cute, hein? Elle est vraiment cute là-dedans. Innocent, un petit air innocent, c'est un peu genou, là, c'est un peu Lola. Ouais. The Entity, l'emprise en français. Ça te dit quelque chose? Elle se violée par une entité invisible. Ça me dit quelque chose. Barbara Hershey, oui. Basé sur une histoire vraie. Très jeune là-dedans, 1981. Numéro 8, Z for Zakaria. Ça, c'est le film 2015. Le personnage Anne Burden, une jeune femme qui croit être le dernier humain sur Terre. L'actrice Margot Robbie. Ça, c'est elle ou Margot Robbie. Entre Margot, ça fait pas une jolie femme. Excusez pour ma prononciation défectueuse. Défectueuse. Ouais. Margot, c'est elle qui a joué dans Suicide Squad, qui a fait Harley Quinn, je ne sais pas trop quoi. Là, mais elle, dans Wolf of Wall Street, là, elle est écœurante. Ah, la scène qui s'écarte les jambes, là? Ouais, elle est vraiment écœurante. Numéro 7, le film de Salvation 2014, un western, le personnage de Madeleine, une veuve muette qui fait partie d'un gang de hors-la-loi, mais qui veut s'en sauver. Eva Green, une Française que j'ai jamais entendu parler français. Ouais, moi non plus. Non, pas un nom français. Non, je sais, mais il paraît que c'est une Française. Puis c'est une femme qui est quand même assez très belle. Penny Dreadful, pour ceux qui voudraient la replacer. Ouais. Le dernier film de Tim Burton. Qui s'appelle... Miss Peregrine. C'est ça, Miss Peregrine. Donc, une très, très belle femme. Une très belle poitrine aussi. Et une bonne actrice aussi. Ouais. Marc Lattremouille, par curiosité, évidemment, va googler les personnages, les femmes. Il ajoute le mot nude devant ou derrière. Numéro 6, Ant-Man 2015, le personnage Hopin Evangeline Lilly. Es-tu cute? La maison, celle que l'on connaît surtout pour son rôle dans Lost. Oui, ben elle me disait quelque chose. J'ai vu Ant-Man il n'y a pas longtemps, elle me disait quelque chose. Okay, puis j'ai fait coudon esti. Puis je ne sais pas pourquoi, mais elle me faisait penser un peu à Mireille. Elle avait un petit quelque chose de Mireille. Cute, hein? Mais... J'ai écrit, ouais, cute. Avec ses cheveux gros comme ça, elle t'a croqué. Puis à un moment donné, j'ai fait le saut dans Freddy vs. Jason. Elle est figurante. On la voit en arrière. Pour en train de regarder de quoi. Elle n'a aucun rôle, elle est vraiment figurante. OK. Ah ouais, vraiment belle là-dedans. Ouais. Numéro 5, le film Knock Knock, Daily Roth. Le réalisateur préféré de mon frère. Le réalisateur préféré de mon frère. C'est faux. Non, il est pourri. Film de 2015. La fille s'appelle Belle, superbe jeune femme, mal intentionnée. Son nom, c'est Anna de Armas. Anna de Arma. Anna de Armas, c'est ça. Elle fait une petite fille qui, au début, se présente de manière très sympathique. Mais finalement, c'est une crise de folle. Je suis rendu où, là? Numéro 4, le film Momentum. Le personnage Alex Faraday, l'une des meilleures braqueuses du monde, sort de sa retraite pour effectuer un dernier casse et s'emparer de précieux diamants. Une autre Française, je crois, Olga Kurylenko. Ça fait pas français, ça. Qu'on a vu dans Centurion, qu'on a vu dans Seven Psychopaths. Une autre belle fille aussi, quand même. Je dirais pas non. Troisième, la troisième, le film The Face of an Angel, un drame de 2014, personnage de Simon Ford qui enquête sur le viol et le meurtre d'une étudiante britannique, c'est Kate Beckinsale. Vous la connaissez, Kate Beckinsale, qui va rejouer bientôt dans un autre film de vampire, là, elle en a fait... elle en a fait deux, là. Il y a eu trois films. Oui, ça s'appelle Vampire contre loup-garou. Ouais, là. Ouais, Marc Lattremouille, c'est quoi, donc? Voyons, on a un blanc de mémoire. C'est qui le maire de Québec, donc? Écoute, j'écoute pas du tout ce que vous dites. Je suis trop concentré sur ces photos. C'est quoi ta question? Marc Lattremouille. Hugo, tu nous appelleras pour nous dire c'est quoi le film? Kate Beckinsale a fait... à 5, là, genre. A joué dans deux films de vampire. Non, pas deux, il y en a 5. Elle a fait deux, puis après, elle a été remplacée. Ah, OK. Puis, on regarde les photos pendant qu'on... Je pense que ça s'appelle Black. Underworld. Black. Underworld. Black. Donc, le 3 revient. Black. Pour elle, je pense que je vais voir le film. Je voulais juste aussi, en passant, aller faire un petit coucou à ma blonde, je t'aime. Puis, t'es plus belle que ça. Deuxième, le film dit Anomaly. C'est un sci-fi de 2014. Une femme, le personnage de Dana, femme mystérieuse qui aidera un ancien soldat à déjouer un complot. L'actrice, une inconnue, mais je crois qu'elle est modèle, c'est Alexis Knapp. C'est mon numéro 2. Fait que ça veut dire qu'on s'approche vraiment de l'extase. Là. Dans, en tout cas, elle est très, très, très, très jolie. Dans le film, elle est couchée sur le dos, puis elle a des belles positions. Numéro 1, alors, je pense que c'est la moins connue de la gang. C'est le film Species, numéro 4. Sorti en 2007, personnage Miranda, qui est un alien. Species, le premier, là. C'était un alien, mais ça, le quatrième. Ça racontera l'anecdote. Elena Mattson, l'actrice. Si vous avez déjà vu l'annonce de Café avec George Clooney puis Danny DeVito, ben à la fin de l'annonce, il y a une mascotte qui enlève son masque. et on voit le visage d'une belle blonde. Eh bien, c'est elle qui joue dans le film Species 4. Alors, c'est pas elle. De quoi tu parles? Ah, je pensais que tu parlais de Mireille. Non, non, non. C'est quoi l'anecdote? Species, c'est pour ça, dans le 1 puis dans le 2. L'actrice qui joue dedans. Mais je pensais que tu parlais de cette actrice-là. Ah, ben non. Fait que ça, on peut dire que c'était comme mon bijou. Oh, et là, je vais je vais parler de ma merde. Ma merde, j'ai été voir dernièrement Rogue One, le nouveau Star Wars, le pire film que j'ai jamais vu. C'était horrible. Qu'est-ce qu'il y a un film horriblement fatigant qui ne met en lumière à peu près aucune des richesses de son scénario. Excusez, je me suis trompé, j'étais en train de lire la... l'extrait d'une critique de Blade Runner. C'est La Croix, le magazine La Croix qui a écrit ça en 1982. Désolé. Non, j'ai été voir Star Wars. J'exagère. C'est vraiment, vraiment pas une merde. J'ai pas trippé comme la plupart des gens. J'ai pas trippé moi non plus. Hein. Je me suis endormi. Mais c'est vraiment pas mon film. Mais moi, comme j'ai déjà dit, je préfère mes Star Wars avec plus d'humour, de bêtes, de monstres. Et d'émotions, de clin d'œil. Mais là, je peux comprendre que le fan fini va triper. Là. Marc Latrémoine. Le fan fini va triper sur absolument n'importe quoi, même si tu shoots là, du Star Wars poche, il va triper. Mais non, les fans finis. Ils sont pas très objectifs. Ils n'ont pas vraiment trippé. C'est 3 sur le 4, 5, 6. Oh, c'est ce que personne trippe sur ceux-là. Ça compte pas ceux-là. Oui, je l'ai vu. Je me suis pas endormi dessus. Puis c'est plus un 2-3. Non, ouais, c'est vrai, 1, 2, 3, excusez. 4, 5, 6, c'est les jeunes. Moi, ce que j'ai aimé, c'est. Ici, c'est un. Comment on dit, spoiler alert. Et ceux qui n'ont pas vu le film, n'écoutez pas la prochaine minute. Tout le monde meurt à la fin. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout le monde meurt. On voit la princesse Leia, Carrie Fisher, comme elle est. Quand elle était comme en. Voyons, quand en 77, quand elle était c'est jeune. C'est touchant, ça. Mais il y a aussi. Peter Cushing. Oui, c'est Targaryen. Ben, celui qui est supposé être mort. Là, celui qui. Lui aussi, quand je l'ai vu, je fais. Hein? Ben oui, non. Je ne savais pas qu'il était mort. Là. Okay, okay. Il n'a pas vieilli. C'est quoi ça? C'est un gars qui est dans les originaux. Ça, j'ai trouvé ça génial. Mais Léa était plus convaincante que lui, je trouve, en CGI. Même si là, on la voit moins, là, je trouvais que Léa était plus convaincante que lui. On voyait un peu que c'était Mais sais-tu quoi? Moi, je ne savais pas que c'était du CGI. Fait que j'ai pas assez de voir les défauts. J'ai pas porté attention. Ah, tu savais pas, genre, que ça faisait 40 ans qu'il était mort? Pas du tout. C'est après, j'ai fait cette face-là, je la connais. Je ne savais pas. J'ai été faire des recherches après. Puis là, quand j'ai vu qu'il était là en 77, je fais OK, là, je me demande comment ils ont fait ça. Puis là, j'ai fait les recherches. Puis après ça, j'ai été voir un petit documentaire sur YouTube. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des défauts. Là. Mais mon œil n'avait pas capté l'attention à ce moment-là. Rogue One, je trouve que c'est un film de guerre. Ouais. C'est tout simplement ça. C'est un film de guerre, de l'action. On voit Darth Vader 2 fois. Je trouve que c'est quand même les deux fois où est-ce que... Ils sont très intéressants. Wow! Ouais. La dernière scène avec Darth Vader, je l'adore. Ouais, mec, ouais. J'ai capoté. Mais ils sont dans le noir et t'entends juste le respect. Ah non, il est peurant. Darth Vader, il est épeurant. Il est vraiment le fun. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est Felicity Jones. Ouais, moi non plus. C'est le personnage qu'il y a plus de close-up. À chaque fois qu'il y a un close-up sur elle, elle fait toujours la même face. Ouais. Genre la bouche à moitié ouverte. Ah, c'est Kinnery, je suis d'accord. Ouais, pas beaucoup d'émotions. Non, c'est toujours la même émotion. Il y a une action, on voit son close-up à elle avec la même face. Une autre action, on a le même close-up avec elle. Mais ça, pas trop sur l'action, parce que je trouvais que le film, il n'y avait pas tant d'action que ça. Là. Mais t'as dormi. Ouais, je sais, mais c'est les explosions qui m'ont réveillé. Je me suis réveillé juste à la fin. Il y a une affaire, le problème avec tous les films là, qu'il va avoir sur Star Wars, c'est la même chose que les super-héros, les films de super-héros. À cette heure, les films, ils vont boucher des petits trous. Ouais. Fait que ça va être juste pour. Un certain moment dans l'univers de la saga. Fait que là, le film, des fois, ça, je sais pas, tu sais, comme les super-héros, des fois, tu regardes ça, puis c'est juste une parenthèse ou bien un élément qu'il va avoir dans l'autre film ou bien une parenthèse. Là, depuis un épisode, tu sais, en tout cas, c'est. Depuis que Disney a acquis les droits, ils vont tirer la sauce au max pour faire le plus d'argent possible. Mais Rogue One, ça montre qu'il y a un potentiel d'un spin-off. Là, on voit qu'ils n'ont pas décidé de faire de l'argent facile. On voit que c'est un film qui a un scénario relativement intéressant, il y a une intrigue intéressante, il est différent, il est légèrement plus sombre. Il y a une certaine maturité que les autres n'ont pas. C'est pas un film pour enfants, là. Non, c'est ça. Non. C'est un peu plus adulte. Mais j'espère avoir une version Director's Cut qui va sortir parce qu'il y a énormément de scènes qui ont été refilmées parce qu'ils trouvaient que la version de Garrett Evans était trop sombre. Donc, moi, c'est la version de Garrett Evans que je veux voir et non pas la version de Disney. De Disney. Ouais. Tu m'apprends quelque chose. Ils ont retourné beaucoup de scènes. Donc, il existe des scènes non vues. Oui. Beaucoup, OK. Je pense 5. Pas des plans, là, des scènes. Donc, 5 scènes, c'est beaucoup. Mais bref, moi, même si j'ai pas accroché, bravo quand même au film. Ça promet quand même pour les autres. Et pour les fans, je suis content pour eux autres parce que je sais qu'ils trippent. Puis là, avant de terminer, avant de passer à la bonne nouvelle, je voulais juste répéter aussi que Schizopod recherche une fille-femme, une fille, une femme, on peut dire les deux, pour combler le poste de co-animatrice sympathique. Marc Jodoin étant désagréable, Monsieur Latrémouille étant très sérieux et moi-même étant légèrement maladroit. Le podcast est en manque de délicatesse et de rire bien magique. Alors, bienvenue aux folles. Tu sais qu'il y a juste deux personnes qui nous écoutent, c'est deux gars, ça va être top. Fait que candidature sur Facebook, Schizopod. Et c'est ça, comme je dis à chaque fois, avant de vous laisser ce monde pourri, on va vous laisser sur de belles pensées. On va googler bonne nouvelle, actualité. Fait. C'est fait. Quelque chose avec des animaux. Marc Lémouille, vas-y. Je comprends pas. C'est jour férié 2017. Bonne nouvelle, plus de ponts qu'en 2016. Là, c'est écrit. L'année 2017 sera assez clémente pour les ponts, puisque de nombreux jours fériés tombent un lundi ou un vendredi. De quoi s'organiser des week-ends prolongés à répétition. Cool. Je pense que c'est français. Attends, je crois... Plus de ponts. Les ponts, c'est français. Ça, si par exemple, tu es en congé jeudi, puis vendredi, tu travailles, ils font un pont, ils ne travaillent pas le vendredi. Fait que ça le fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On a moins ça, nous. Eux, ils adorent les ponts. Mais disons que les Français, ils ont 8 semaines de congé par année minimum. Là. Les autres, ils ont beaucoup plus de congés que nous. Ben, félicitations, les Français. Vous avez plus de ponts cette année. Je le savais. Vive la France. Ah, d'accord. D'autres choses à dire? 56 minutes, 57 minutes. C'était le sixième Schizopod. Oui, 6. C'était quoi? J'allais dire 7, mais non, t'as raison. Le sixième Schizopod. Mais le premier de l'année 2017. Oh, wow. Salut!